Chapitre 6. Expédition des troupes. Quelques compagnies furent envoyées à Montréal. Ces troupes étaient destinées à protéger la ville. Elles finirent par s'y établir, et aussi dans les environs. Cette garnison donna une animation toute nouvelle, avec les jeunes officiers dont nous aurons à parler. Monsieur de Salières résolut d'aller attaquer aussitôt les Iroquois. Malheureusement, il se laissa tromper par cette apparence bénigne du froid qui surprend les Européens à leur arrivée au Canada. Comme ce froid sec est moins sensible que le froid humide de l'Europe, il pensa que ses troupes aguerries par plusieurs années de la vie militaire pourraient le braver impunément, et il se mit en route au milieu de l'hiver pour aller attaquer les établissements iroquois aux environs du lac de Champlain. Mais il fallut bientôt revenir sur ses pas. Nos Français ne se découragèrent pas, et quelques mois après, M. du Tracy reprit l'expédition. Il partit au mois de septembre, mais cette fois, il avait eu soin de se faire accompagner par des miliciens du pays. 120 hommes, parfaitement exercés, vinrent de Montréal. Ils étaient commandés par des officiers expérimentés, comme Charles Lemoine et M. d'Ailleboust de Musseau. Charles Lemoine en particulier rendit les plus grands services et attira l'attention des officiers supérieurs par sa connaissance de la tactique des sauvages. Le lac Champlain fut traversé le 15 octobre, et quelques jours après, on se trouva en vue des premiers villages iroquois. Ils étaient abandonnés. Les sauvages avaient concentré leurs armes et leurs provisions dans le dernier village, environné de plusieurs palissades, où ils prétendaient se mesurer avec les Français. Les troupes avançaient résolument. Elles étaient précédées des clairons et des tambours au nombre de 20. Quand ceux-ci commencèrent à jouer leurs fanfares, une panique effroyable se répandit parmi les sauvages, et ils se dérobèrent, s'écriant qu'il leur semblait entendre les hurlements des démons de l'enfer. L'effet fut irrésistible. Les troupes escaladèrent l'enceinte et trouvèrent le village abandonné, mais rempli de provisions et d'armes. Les soldats purent alors se remettre de leur fatigue. Après quelques jours de repos, les troupes auraient voulu se mettre à la poursuite des sauvages. Mais M. de Tracy, averti par les colons, jugea qu'il ne fallait pas attendre l'hiver, et il revint vers le Canada, en ayant soin de placer les miliciens de Montréal à l'arrière-garde. Il avait appris à apprécier ces braves miliciens. Il mentionnait souvent ses capots bleus. Il les trouvait habiles pour aller en avant et éclairer la marche, capables pour ramer sur les canaux et les conduire sûrement, infatigables pour la marche et infaillibles pour suivre les traces des sauvages au milieu des bois. Mais tous ces mérites revenaient pour une bonne part à celui qui les commandait et leur enseignait depuis longtemps l'art de la guerre, l'intrépide et habile commandant Charles Lemoine. Aussi, l'on ne doit pas s'étonner qu'il fut compris dans la promotion au titre de noblesse qui eut lieu l'année suivante, en 1668, et où l'on réunit tous ceux qui avaient rendu les services les plus éminents à la défense et au défrichement du pays, comme M. Boucher, M. Hébert, M. Couillard, M. Lebert et Charles Lemoine. Ces titres de noblesse sont ainsi conçus. Désirant favoriser notre cher Charles Lemoine, sieur de Longueuil, pour ses belles actions, de notre pleine puissance nous avons par les présentes, signées de notre main anoblies, anoblissons et décorons du titre de noblesse le dit Charles Lemoine, ainsi que sa femme et ses enfants nés et à naître. En revenant des expéditions du lac Champlain, le gouverneur assigna à la garde de Montréal et des environs plusieurs compagnies du régiment de Carignan, et il distribua des fiefs aux officiers et des terres aux soldats qui voulurent s'établir sur les fiefs de leurs commandants. Ces officiers sont principalement messieurs les capitaines de Chambly, de Saint-Ours, de Berthier, du Paz, de Varennes, de Verchères, de la Valterie, de la Chenaille, de Contrecoeur, qui devint propriétaire de fiefs et concédèrent chacun des terres aux soldats de leur compagnie. Quant aux soldats, ils sont désignés sur les registres par leur nom de guerre, qu'ils portent encore dans le pays, la franchise, la jeunesse, la treille, le fifre, la flèche, la roche, la douceur, la fortune, la fleur, la violette, la tulipe, la giroflée, la pensée, la prairie, la verdure, la caille, porte-lance, tranche-montagne, la lance, sans chagrin, sans façon, sans quartier, sans souci, sans peur. Ces noms sont portés actuellement par un grand nombre de familles en qui on remarque encore toutes les qualités des races militaires.